Mathieu Kérékou se défend avec une telle ardeur, c'est parce qu'il sent le sol se dérober sous ses pieds. Il voit bien que le projet constitutionnel qui vient d'être adopté il y a trois quarts d'heure à peine par les délégués lui retire dès maintenant une partie de ses pouvoirs, lui adjoint un Premier ministre qui reste à désigner d'ailleurs, et met tous ses actes sous le contrôle d'un haut conseil de la République où siégeront notamment les anciens présidents. Et puis surtout, il voit bien que d'ici 11 mois, le 27 janvier 91, date des futures élections présidentielles, eh bien, tout sera remis en cause. Il y aura plusieurs candidats. Il n'est plus du tout populaire pour l'instant. Bref, il risque fort de devoir s'effacer. Et cela le hante, on vient de l'entendre. Du coup, il réagit à l'émotion. Il est venu deux fois, hier soir, à la conférence. Il a même lancé une fois aux délégués « Votre dossier politique, vous pouvez le laisser dans vos tiroirs ». Mais un homme a beaucoup pesé à ce moment-là, c'est le président de la conférence, Mgr Dessouza, un homme tout en rondeur, qui lui a dit combien le peuple serait frustré, découragé, si les travaux en cours ne débouchaient pas sur une profonde réforme politique. Mathieu Kérékou est revenu alors à plus de modération. Il faut insister en conclusion sur le rôle de l'Église, puisque c'est l'archevêque coadjuteur de Cotonou, Mgr Isidore Dessouza, qui aura présidé avec beaucoup d'habileté les travaux de la Conférence nationale. En mars 1993, le prélat revient au micro d'Anne Blancard à RFI sur les circonstances de la Conférence et le climat dans lequel se sont déroulés les travaux.